Chapitre 2. Norbert Ayache revenait vers Lazac. Il avait l'habitude de couper par le chemin des Saint-Pères pour éviter cette route de Loki qui lui faisait peur et sur laquelle il essayait de déployer grand ses oreilles pour mieux entendre les véhicules arrivant dans son dos. Après s'être engagé d'une cinquantaine de mètres dans le chemin, il remarqua tout de suite dans le bas-côté une roue de vélo tournant lentement au gré du vent. « Tiens, se dit-il, un collègue qui a des ennuis. » Ayant mis pied à terre et s'étant rendu près de la bécane, il comprit que son confrère cycliste n'aurait plus d'ennui, parce que, précisément, il en avait eu un très gros. Le corps ne respirait plus, la tête entière était couverte de sang et déjà, de grosses mouches noires s'étaient mises à table dans un bourdonnement lugubre. Il réprima son envie de vomir, but un coup à son bidon et sortit son portable. Il prévint les pompiers et les flics dans la foulée. Son expérience de paracommando lui laissait penser qu'il n'y avait plus rien à faire. L'estomac calmé, il s'approcha pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à ce pauvre type. Le corps était couché sur le côté droit, les membres complètement relâchés. Ayache réussit à identifier un trou dans le cou, trou par lequel avait dû se produire l'écoulement et qui contenait encore du sang frais. Une branche. Comment ce type aurait pu s'embrancher si près de la route, dans un fossé où il n'y avait que de l'herbe? Un choc avec un autre véhicule. Dans ce cas, la blessure aurait été une déchirure ou un arrachement, mais pas un trou. Les membres avaient l'air d'être entiers et sans déformation. Non, il n'y avait pas eu de choc. Et soudain, Ayache se souvint qu'à la hauteur des chenalettes, peu avant le chemin des Saint-Pères, il avait vu passer ce cycliste alors qu'il s'était arrêté pour répondre au téléphone. « Tu vois pas que ce type se soit fait flinguer ?» se dit-il. « Mais non !» s'exclama-t-il. « Tu regardes trop les séries télé ?» Penché sur le corps, il remarqua qu'un portable était tombé du blouson du mort. Ce n'était pas une chose à faire, mais tant pis. Il la fit. Il se saisit du portable et se mit en devoir d'accéder au répertoire, en tripotant les boutons. Il y réussit finalement et trouva l'adresse maison. Les secours tardant à venir, il se résolut à appeler le numéro. Après trois sonneries, une voix de femme, assez jeune, répondit. « Allô, c'est toi, Hansi ?»« Non, madame. Je suis au bord du chemin des Saint-Pères et j'appelle avec le portable de... »« C'est votre père qui fait du vélo ?»« Non, c'est mon mari. Qu'est-ce qui se passe ?»« Allô » fit-elle d'une voix angoissée. « Votre mari a eu un accident. J'ai téléphoné aux pompiers et à la police. J'attends qu'ils arrivent. »« Mais qu'est-ce qu'il a ? C'est grave ? Dites-moi. »« Oui, madame, c'est grave. »« Où est-il ? De quel côté du chemin des Saint-Pères ?» Au début, du côté de la route des Milles. Nous habitons à côté. Je viens tout de suite, lui répondit la voix alarmée. Norbert se dit qu'il venait peut-être de faire une connerie et que la femme allait difficilement supporter le spectacle. Mais après tout, il aurait aimé qu'on en fît autant pour son épouse s'il avait eu un accident. Ancienne hôtesse de l'air et veuve d'un pilote, Nadine était de 20 ans la cadette d'Anzi, grande, blonde, élancée, avec dans les mouvements une grâce émouvante, elle n'avait eu aucun mal à conquérir Hansi, rencontré chez des amis. De son côté, Hansi, grâce à son compte en banque, sa Ferrari et sa Bastide immense, s'imposa comme un parti plus qu'intéressant pour une veuve commençant à tirer le diable par la queue. Passé les premiers moments de découverte, Nadine se révéla froide, au figuré comme au propre. Ses mains, ses pieds étaient toujours froids, elle ne transpirait jamais, alors qu'Anna était toujours chaude, moite, humide. Hansi tenta d'ailleurs de renouer un petit quelque chose avec elle, mais bien qu'au top sur le plan sexuel et hormonal, elle le repoussa. Hansi n'éprouvait pour Nadine qu'un intérêt épisodique et une vague affection. Néanmoins, dans la conclusion des marchés et l'inauguration des chantiers, la présence de Nadine faisait partie intégrante des arguments commerciaux de l'entreprise. Comme c'était dans l'ordre des choses, Nadine se préparait patiemment un deuxième veuvage confortable et serein. Peut-être se remariera-t-elle, juste par goût des relations sociales. Finalement, tout le monde arriva en même temps. Les pompiers, la police, la femme du mort. Beaucoup de véhicules sur ce chemin étroit et point de stationnement. Michel Pérez, capitaine de police, ordonna immédiatement la fermeture du chemin des Saint-Pères. « Jedjiga, mettez un véhicule à 200 mètres d'ici, vers la Molière, et bloquez l'entrée du chemin sur la route des Milles. »« Mais, et les riverains, capitaine ? Faites-les passer par l'autre bout du chemin. Demi-tour pour tout le monde, ok ?» Le lieutenant Djedjiga Moussaoui obtempéra et donna ses ordres. Le médecin des pompiers, après un bref coup d'œil au cadavre, déclara à voix basse que ce n'était plus de son ressort. Le parquet fut immédiatement prévenu. En attendant, on déroula du rubalise autour de la zone et chacun y alla de sa petite hypothèse, croyant détenir la clé du mystère. Pérez jeta un regard circulaire pour s'imprégner du lieu. À gauche du chemin, deux maisons s'accrochaient dans la pente du terrain. En haut, à une centaine de mètres, un petit bois de pin fermait l'horizon et surplombait le chemin. À droite, un bout de pré de forme triangulaire descendait vers la route des milles tout proche. Pérez fit approcher la femme du mort. Nadine avait tout de suite reconnu son mari, mais elle ne put verser une larme, tant la situation était à 100 lieues de ce qu'elle avait imaginé. Elle avait du mal à appréhender la réalité. Elle comprit encore moins quand elle entendit un des agents parler d'impact de balle et préféra se réfugier dans son cabriolet Z3 en attendant qu'on la questionne à nouveau. Pendant ce temps, sirène hurlante et gyrophare allumé, Volpi fonçait sur l'autoroute nord en direction d'Aix. Il venait d'être prévenu de l'affaire par radio. Sa matinée à l'évêché avait été horrible. Il s'était pris de bec avec le préfet de police au sujet d'une soi-disant bavure de Gargan. Ce dernier avait secoué, le mot était « on ne peut plus juste », un jeune qu'il avait traité d'enculé de ta mère. Sous l'effet de la colère, le malheureux Gargan avait oublié la présence d'une jeune avocate en mal de notoriété. La fille avait actionné les nombreux leviers dont dispose la défense des agresseurs. Tout y était passé, les baveux, le MRAP, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme et tout le toutime. Résultat, une mise à pied immédiate pour Gargan, les bœufs carottes aux fesses, et l'ombre d'une révocation à la clé. Volpi avait rappelé un peu vivement au préfet que son premier devoir était de défendre ses hommes, avant de suivre la meute des bien-pensants et des aplats-ventristes. Quelques mots de trop que seul l'exemplaire carrière de Volpi avait pu faire digérer. Deux cigarettes plus tard, la substitute Madame Fraisse, femme nature et sulfureuse, arriva, flanquée d'un jeune juge d'instruction. Au milieu de tout ce groupe, le médecin légiste faisait figure d'ancêtre. Volpi arrêta sa 407 dans un furieux crissement de pneus, attirant sur lui l'attention de tous. « Quel est ce cow-boy en smalto ?» se demanda le jeune juge. Volpi remarqua tout de suite la présence de Madame Fraisse. Cette femme, par sa beauté agressive, le mettait mal à l'aise. Chez elle, tout était excessif, débordant. Elle portait toujours des pantalons trop moulants, des talons trop hauts, des jupes trop courtes, des chemisiers trop échancrés, des soutiens-gorge trop débordants. Un bronzage trop cuivré. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son look ne correspondait absolument pas à sa fonction. Le plus étonnant, c'est que personne au palais n'était capable de citer le nom d'un seul de ses amants. Attirant pourtant ouvertement le mal, elle renvoyait Volpi vers ses plus bas instincts. Il lui jetait malgré lui des œillades furtives mais lubriquées, ce manque de self-control l'agaçait au plus haut point. Pour s'en préserver, Volpi la comparait mentalement à son épouse Gilda. Aussi attirante, mais avec infiniment plus de classe et de glamour. « Alors, on en est où ?» dit-il pour toute présentation. Ce fut le juge qui brossa un rapide résumé de la situation, autant pour asseoir son autorité que pour entrer en contact avec Volpi, dont il connaissait la réputation, mais qu'il n'avait encore jamais rencontré. La substitute, connaissant bien le commissaire, suivait la scène d'un œil amusé. Le légiste se pencha sur le cadavre et, sans le déplacer ni le toucher, fit ses premières constatations. Elles confirmèrent la thèse de la balle ayant perforé le cou du mort. Le problème était de savoir où était la victime quand elle a reçu ce projectile. Sur la route ou déjà dans le fossé. Sur l'asphalte, aucune trace de sang n'était visible. « Il aurait été descendu alors qu'il était arrêté ?» demanda le capitaine Pérez. « Impossible !» fit remarquer Moussaoui. « Regardez !» Les chaussures ne sont pas sorties des cale-pieds. Bonne observation, lieutenant, reconnut Volpi. S'il était dans le sens de la descente, il a pu être flingué à une trentaine de mètres et continuer en roue libre avant de se vomir dans le talus. Mais s'il était en montée, son vélo a dû bifurquer tout de suite dans le décor. D'accord avec vous, monsieur le juge, remarqua Volpi dans un sourire que le magistrat lui rendit. La glace était rompue entre les deux hommes. On chercha dans un rayon d'une cinquantaine de mètres, méticuleusement, mais impossible de retrouver l'étui de la balle, ou des balles, car après tout, le mort pouvait avoir essuyé plusieurs pruneaux, allez savoir. Finalement, le légiste décida à retourner le corps. Le projectile avait traversé le cou de part en part, la sortie du côté droit ayant provoqué une large blessure. Sur le reste du corps, à première vue, on ne relevait pas d'impact. « Il est mort il n'y a pas plus d'une heure, » dit le légiste. « Quand je suis arrivé, il était mort, mais sa blessure saignait encore un peu, » précisa Ayash. « Et vous savez, en passant devant le chemin des chenalettes, je me suis arrêté pour répondre au téléphone. Et je l'ai vu passer, dites. Vous vous rendez compte ?»« C'est loin d'ici ?» demanda Moussaoui. « Non, c'est juste là, à 3 minutes à peu près en vélo. » « Je l'ai trouvé 10 minutes à tout casser après le coup de téléphone. »« Et l'heure ?» demanda Pérez. « Dans les 5h30 environ. » Le légiste se rapprochait des enquêteurs pour leur faire part de ses premières constatations. « Il est mort il n'y a pas une heure. Il est encore chaud et les articulations sont souples. Il a perdu énormément de sang et je suis presque sûr que les cervicales ont été atteintes, la moyenne épinière aussi. Je serai plus bavard après l'autopsie. » On finit par emmailloter le corps après l'avoir désolidarisé du vélo qu'on emballa aussi avec grande précaution. La substitute chargea le commissaire Volpi de l'enquête. « Madame la substitute, l'épouse de la victime est là. Vous voulez bien qu'on lui pose quelques questions ?» demanda Pérez. Ils se rapprochèrent donc du cabriolet et Nadine en descendit, comprenant qu'on voulait lui parler. La substitute lui adressa la parole la première. « Madame, je suis désolé de vous apprendre que la mort de votre mari est due à une balle qu'il a reçue dans le cou. Vous avez formellement reconnu votre mari. Est-ce que vous pourriez nous donner son identité complète ?»« Aldo Anzilutti, né le 11 avril 1941 à Torre Annunziata, en Italie. Patron de la société Anzilutti et Caneparo, charpente métallique. Domicilié 1245 chemin des Saint-Pères, juste à côté. » Il peut s'agir d'une balle perdue, mais ce pourrait être aussi l'œuvre d'un détraqué, ou encore un assassinat. À votre avis, dans quelle direction se dirigeait votre mari? Vu l'heure, il revenait, donc il était dans le sens de la montée. Connaissiez-vous des ennemis qui auraient pu vouloir la mort de votre mari? Avait-il peur de quelque chose? Demanda Volpi. Mais non, nous sommes mariés depuis 7 ans, et je ne l'ai jamais entendu avoir peur de quoi que ce soit. « Il traitait de gros chantiers, » fit remarquer la substitute. « Vous ne pensez pas qu'il aurait pu tremper dans des affaires louches? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? »« Absolument pas. Mon mari n'a jamais fait de tort à personne et ses affaires étaient on ne peut plus claires. Je ne vous permets pas de dire n'importe quoi, et encore moins de le penser. » Nadine s'était enfin lâchée. Cette substitute au look de pute ne lui plaisait pas du tout. Elle éprouvait une aversion viscérale pour la fonction publique en général et la justice en particulier. Ce n'est pas parce qu'elle était magistrate qu'il fallait prendre le reste du monde pour des moins que rien. Vexée mais intelligente, la substitute refusa d'entrer dans une quelconque polémique. Elle fit une sortie décente. « Bon, commissaire, je vous laisse commencer votre enquête. Vous aurez sous peu votre commission rogatoire. » Pendant que Volpi accompagnait les magistrats, Pérez voulut tout de même profiter de la présence de Madame Anzilutti pour glaner quelques infos. Elle plongea la tête en avant et la releva brusquement pour remettre ses cheveux en place. Seule avec Nadine, elle s'adressa à elle à voix basse sur le ton de la confidence. « D'après vous, ça ne peut être qu'un accident ou le geste d'un psychopathe. Vous n'avez pas remarqué d'individus bizarres dans les relations récentes de votre mari ?»« Non, à part Biagio, nous ne recevons personne à la maison. Je ne vois les clients de mon mari que lors des inaugurations ou à la signature des contrats, et je ne leur prête pas grande attention, en général. » « Je sais que c'est indiscret, mais je garderai pour moi votre réponse. Est-ce que vous avez un amant, Madame Anzilutti ?» Nadine rougit légèrement, mais garda son calme. « Non. Sincèrement, non. J'ai horreur des complications, et puis, je n'en ai pas envie. Peut-être que je ne suis pas normal, vous croyez ?» Pérez se fendit d'un sourire qu'elle voulut le plus sympathique possible. « Vous avez bien raison, Madame Anzilutti. En général, le jeu n'en vaut pas la chandelle. » Vous étiez chez vous au moment de sa mort? Oui, avec ma femme de ménage. Dites-moi, il passait toujours par ici, votre mari? Oui, en général. Il faisait toujours le même itinéraire. C'était pratique pour aller le chercher en cas d'accident ou de panne. Mais aujourd'hui, vous voyez... Puis elle fondit en larmes. À ce moment, Norbert Ayage tapa discrètement l'épaule de Pérez. Je peux partir, capitaine, ou vous avez encore besoin de moi? Michel dévisagea le cycliste et trouva son rôle dans la tragédie. Elle lui posa une main sur l'épaule en signe d'empathie. « Donnez toutes vos coordonnées au lieutenant Moussaoui. Vous voyez, c'est la brune là-bas. Vous êtes formel, vous n'avez entendu aucun coup de feu. »« Exact. Vous savez, sur cette route, j'ouvre grand mes portugaises pour entendre venir les bagnoles. S'il n'en avait eu un, je l'aurais entendu. » Pérez laissa repartir Madame Anzilouti en l'assurant qu'on la préviendrait dès qu'on aurait du nouveau. Deux riverains curieux, habitant les villas au-dessus, étaient venus aux nouvelles. Eux aussi n'avaient entendu aucun coup de feu. Ils sont fadas, ces chasseurs. Encore quand ils se tuent entre eux, c'est demi-mal. Mais quand ça tombe sur des pauvres mecs qui font du vélo, ça craint. Volpi dépêche un groupe pour inspecter les bois avoisinants et la campagne des Saint-Père en quête de chasseurs. Moussaoui fit remarquer que son père, amateur de gibier, chassait rarement à balle, sauf en montagne, pour le chamois. Si le mort avait pris une décharge de chevrotine, à la rigueur, on aurait pu incriminer des chasseurs. Mais pour ce coup-ci, c'était peu plausible. Et puis, un coup de fusil, ça fait du bruit. Or, personne n'avait rien entendu. Malgré les efforts de l'équipe, on ne trouva rien de convaincant autour du lieu du crime. Aucune trace ou indice, à part une quantité impressionnante de canettes de bière vide. Le passage du vélo dans l'herbe rase n'était même pas visible. Il fallut donc se résoudre à attendre patiemment le rapport du légiste et les témoignages éventuels pour avoir un peu de grain à moudre. De retour au central dans la Peugeot, Pérez et Moussaoui commencèrent à faire le point. Le capitaine aimait bien se trouver seul avec son lieutenant. Elles s'entendaient bien ensemble et avaient tout de suite travaillé en complicité. Bien que Michel ait 10 ans de plus que Jadjiga, elle savait se mettre au diapason de son adjointe qu'elle trouvait si drôle et si jolie. Depuis qu'elle faisait équipe, Michel avait l'impression que le boulot lui pesait beaucoup moins. Elle en oubliait son divorce, sa solitude, son manque d'enfants et les contacts difficiles qu'elle avait avec Volpi, son patron. Pérez se mit à réfléchir à haute voix. Si c'est un tireur fou, il va peut-être faire une autre victime. Mais si c'est un assassinat, il va falloir fouiller la vie de cet Anzilouti. Moi, je verrais bien une sombre histoire de financement occulte, ou de blanchiment d'argent, tu vois ce que je veux dire. Le vieux avait reçu un pactole en dépôt pour l'investir dans une affaire. Il n'a pas voulu le rendre, et pan, dit Moussaoui. Puis, une minute après, continuant grand berger. Ouais, ou alors c'est la femme qui l'a fait descendre pour toucher l'héritage. Arrête, tu veux. Et si c'était une querelle de voisinage, va savoir, c'est peut-être un de ces deux types qui était là et qui habite à côté. On ne flingue pas un type pour une histoire de haie, de chien ou de fausse sceptique, à moins d'être complètement madure. Ma chérie, ne nous montons pas le bourrichon. Aspetta un poco. Avec les Italiens, surtout quand ils sont friqués, il faut s'attendre à tout. Moi, je voudrais d'abord savoir où se tenait le meurtrier quand il a tiré. Dans une voiture, à moto. À moins que le coup ait été tiré de beaucoup plus loin. Il faudrait déjà qu'on trouve un mobile plausible. Je sens qu'on va encore pédaler ferme pour trouver l'assassin du cycliste, repartit Pérez en riant. En arrivant au central, une surprise les attendait. Une plainte avait été déposée par le propriétaire d'un chien. Il avait trouvé son animal baignant dans une mare de sang, la tête vraisemblablement transpercée par une balle. Vous avez averti le patron? Non, il n'est pas encore revenu. Et vous avez laissé partir le propriétaire du chien? S'exclama Jadjiga. Mais quel abruti vous faites! Je sais. « Mais à ce moment-là, je ne savais pas que ça pouvait vous intéresser, » répondit le brigadier. « Et qu'est-ce qu'il a fait du chien ?»« Ah, ça, je sais pas. Bon, filez-moi son adresse, son portable, tout le bazar. Il faut absolument qu'on le joigne, vite !» Le propriétaire du chien, contacté par téléphone, précisa qu'il n'avait pas encore enterré son animal et se montra extrêmement surpris que la police fasse diligence avec autant de promptitude. Moussaoui se garda bien de lui avouer la raison de cette hâte. Et lui signala qu'il fallait absolument qu'on autopsie à son chien pour trouver le coupable. Elle se démena vite fait pour trouver un vétérinaire assermenté à qui confier l'autopsie de la bête. Autant faire les choses dans les règles. Puis elle monta rejoindre Pérez, tout excitée. « Tu vois, dit-elle, je te dis que c'est une histoire de voisin. Il y en a un qui a pris les boules et qui a fait le ménage autour de lui. D'abord, Anzilouti, pan. Je ne sais pas pourquoi, et puis le chien, pan. Parce qu'il devait aboyer de longue. Tant, il va y avoir encore un macabé. Dis-moi, Jadjiga, il revient quand, ton chéri? Parce que je sens que ça va te calmer, un peu d'amour.